L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Samedi 21 mars, Polytech Nancy se transforme à nouveau en terrain de jeu géant. Ce sera le Poly Gaming Day qui ouvrira ses portes de 9h à 20h. Et pour nous en parler, nous avons au téléphone Lucas. Bonjour. Bonjour. Merci encore de m'offrir cette opportunité de parler avec vous sur l'événement. Ça nous fait très plaisir. Avec plaisir. Alors, c'est pas la première édition. Hein. C'est la combienième édition ? Non, c'est ça. Là, ça va être la 9e édition. En fait, ça fait plus de 8 ans que chaque année, il y a cet événement à Polytech. Alors, le Poly Gaming Day, on peut le présenter en quelques mots ? Eh ben, je dirais que c'est une genre de convention qui va allier à la fois compétition pour tous les joueurs qui vont rechercher voilà, cette envie de performer sous différents tournois, mais aussi de la détente, parce que nous, on cherche aussi à avoir plein de petits stands, plein de petites activités disponibles, mais aussi voilà, une accessibilité, en fait, que chaque personne avec un prix assez réduit puisse avoir accès à différentes technologies et quelques jeux. Donc c'est organisé par les étudiants de Polytech Nancy ? Oui, c'est bien ça. C'est une grande partie du club informatique de Polytech Nancy, surtout. Mais voilà, il y a quelques bénévoles aussi, par exemple, du club jeux société de l'école. Mais voilà, c'est principalement que des étudiants qui se sont mis tous ensemble pour créer cet événement. Donc c'est ce samedi 21 mars, c'est entre 9h et 20h. Qu'est-ce qui va se vivre sur place ? Alors sur place, il y a tout d'abord 3 tournois. Donc un tournoi sur Smash Bros Ultimate, sur League of Legends et sur Clash Royale qui vont se dérouler tout au long de la journée. Mais en même temps, il y aura tout ce qui est jeux libres. Donc, c'est-à-dire plusieurs consoles disponibles, mais aussi cette année, on a réussi à avoir un partenaire Ray System pour qu'il y ait un simulateur de course avec des équipements en VR. Et il y aura aussi quelques stands et quelques surprises, évidemment. Mais aussi donc ces 3 tournois qui rassemblent beaucoup de monde. Oui, c'est ça. Bah, d'un côté, on a League of Legends qui va ramener une vingtaine de personnes, car il y a 4 équipes. Puis il y a Smash Bros, on aimerait avoir jusqu'à 65 personnes, et Clash Royale, sûrement une trentaine de personnes, je dirais. Et pour participer à ces tournois, par exemple, il faut s'inscrire à l'avance, j'imagine ? Oui, c'est ça. Pour les tournois, il faut s'inscrire à l'avance sur notre site. Donc l'inscription, elle est de 4 euros, et nous, on s'occupe du reste. Et à côté de ça, donc, d'autres zones pour jouer librement et découvrir, vous l'avez dit, il y aura un simulateur de conduite, il y a de la VR aussi, j'imagine ? Oui, c'est ça, exactement. Donc simulateur de course, VR, mais aussi on a décidé d'ajouter une partie jeux de société avec la caverne du Gobelin et notre club de jeux de société à nous pour voilà, offrir à tout le monde une expérience comme il le souhaite. Donc si on veut participer au concours, on s'inscrit en avance. Si on veut juste venir et découvrir un peu tout ce que vous proposez, comment ça se passe ? Eh ben oui, simplement, vous pouvez venir dès samedi à l'école, ça sera au niveau du gymnase et on peut vous inscrire à ce moment-là pour la partie jeux libres. Et l'entrée, elle est de 4 euros. On peut retrouver les infos quelque part, peut-être ? Oui, vous pouvez retrouver tout ça sur notre site. Donc, c'est pgd.ci-polytech-nancy.fr. Et vous avez simplement à taper Poly Gaming Day sur Internet et vous pourrez trouver. Merci, Lucas, et rendez-vous samedi pour cette nouvelle édition du Poly Gaming Day. Merci beaucoup, on vous attend nombreux. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.